Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 3 mai avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 3 mai 1936, le jour de la victoire du Front Populaire aux élections législatives, on en parlait avant-hier à 14h. Ce qu'on appelle Front Populaire, c'est ce rassemblement des forces de gauche sous la houlette de Léon Blum, coalition qui va tenir 2 ans et modifier le paysage politique et social en France. Et alors dites-moi, quand tout cela a-t-il vraiment commencé ? Alors ça a commencé 2 ans plus tôt, en 1934, en réaction d'ailleurs aux ligues d'extrême droite qui ont beaucoup gagné en puissance à l'époque. Réaction aussi à la crise de 1929 qui vient de plonger l'économie dans le marasme. Les gauches s'unissent pour créer un grand mouvement. Le Parti communiste de Maurice Thorez, extrêmement puissant à l'époque, s'allie à l'ancêtre du Parti socialiste, la SFIO, dirigé par Léon Blum donc, et au Parti radical socialiste d'Édouard Daladier, un éventail très large qui balaie de l'extrême gauche au centre et en face, la campagne de la droite, disons-le, n'est pas à la hauteur. D'où la victoire de l'Alliance des gauches. Oui, nette victoire. Le Front populaire a obtenu 57% des suffrages au premier tour. Et au second, ce 3 mai 36 donc, il envoie 386 députés à la Chambre sur un peu plus de 600 sièges. Partout en France se lève ce grand mouvement de grève. Alors, on ne comprend pas toujours, nous, aujourd'hui. Ce n'est pas une grève de protestation. C'est une grève qui est là pour appuyer la victoire de la gauche. On va compter 2 millions de grévistes. Les usines sont occupées, le pays est paralysé. En juin, le mouvement s'amplifie encore. Des garçons de café aux coiffeurs, tout le monde fait grève. Le gouvernement Blum est donc formé le 4 juin et dans la nuit du 7 au 8, il va signer les accords de Matignon offrant une augmentation générale des salaires, 7 à 15% quand même. On institue les délégués syndicaux, on ramène la durée du travail à 40 heures par semaine et je ne vous dis rien des congés payés bien sûr, 15 jours à l'époque. C'est une petite révolution mais qui ne durera pas puisque l'économie du pays va péricliter assez vite et Léon Blum devra présenter sa démission, enfin celle de son gouvernement, dès juin 1937. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Ah oui, on évoquera toute une pléiade de prétendants plus ou moins légitimes.